Session de mieux-être en date du 30 mars de l'année 2022. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, eh bien, l'enregistrement d'aujourd'hui va viser à générer un état de bien-être, un état de bonheur, entre autres. Donc, pour commencer, je vous propose de vous mettre, de vous asseoir en fait dans un endroit que vous allez savoir qu'il va être calme dans les prochaines minutes. Donc dans un lieu qui est propice à la détente, à l'intériorisation, à la pleine conscience, à la présence à soi. Ensuite, je vais vous proposer de fermer les yeux en vous asseyant simultanément dans une position confortable que vous allez pouvoir maintenir pendant plusieurs minutes. Une fois que vous avez les yeux fermés, je vais vous proposer de prendre des grandes respirations. Donc, je vais vous proposer d'inspirer calmement, de maintenir et expirer doucement. Je vais vous suggérer de faire plusieurs respirations lentes, étant donné que la différence de la respiration rapide est saccadée. La respiration lente induit un état de calme, un état de bien-être. Donc, consciemment, en étant présent à votre corps, eh bien, vous pouvez inspirer, maintenir et expirer. Encore, inspirez, maintenez et expirez. Encore une fois, inspirez, maintien et expiration. Par la suite, en plus de l'inspiration que je vais faire dans les prochaines secondes, de manière volontaire, je vais avoir la volonté, si rapportant, d'inspirer l'énergie du chi, l'énergie vitale qui se trouve dans mon environnement immédiat. Donc, j'inspire en visualisant que la lumière entre en moi. Je maintiens mon contact avec cette lumière environnante et j'expire. J'expire également de la lumière. Encore une fois, et là on va procéder à une inspiration consciente de l'énergie de l'amour. Donc, j'inspire consciemment en ayant l'intention, simultanément, de me connecter à un état d'amour inconditionnel, un état d'amour profond, un état d'amour qui est propice à la vitalité. Donc, j'inspire, je maintiens, et j'expire. Après avoir pris ces respirations, eh bien, je me sens entré dans un état qui est de plus en plus calme et je vais procéder à une série de bénédictions. Donc, utiliser la puissance de ma volonté pour bénir, c'est-à-dire investir certains éléments de cette dernière, en partant du principe que je suis en contact avec le tout, qu'il n'existe que dans l'univers qu'un immense champ quantique et que notre volonté est en contact avec ce dernier, à partir duquel tous les éléments qu'on peut percevoir sont sous-entendus. Donc, on peut avoir l'impression que des objets dans notre environnement, mais en réalité, tout tient à partir d'un champ d'énergie qui va générer les formes qu'on perçoit sur le plan physique. Donc, en lumière de cette compréhension, je vais utiliser ma volonté pour bénir au nom de mon être, c'est-à-dire moi sur le plan multidimensionnel, donc moi sur le plan physique, mais aussi sur le plan de l'énergie pure, qui est en contact avec la somme de l'énergie qui existe dans l'univers, pour utiliser mon intention pour générer des éléments propices à mon épanouissement dans ma vie, à mon bonheur, à mon actualisation, à mon état aussi de bien-être. Je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je bénis ma capacité à générer un état de bonheur en moi. Je bénis l'état de bonheur et de bien-être que je connais présentement en mon sein. Je bénis ma capacité à m'installer dans la lumière. Je bénis ma capacité à générer un état de vitalité profond en moi. Je bénis ma lucidité, ma capacité à voir clair par rapport aux événements et aux situations de la vie auxquelles je suis exposé. Je bénis par la suite mon cerveau physique. Je bénis aussi mon cerveau éthérique, qui va se superposer à mon cerveau sur le plan physique et aux deux hémisphères cérébraux, donc le gauche et le droit, pour les harmoniser. Je bénis l'unité dans le fonctionnement de mes deux zones cérébrales pour qu'ils œuvrent en harmonie. Je bénis ma tête pour lui faire jaillir en son sein l'énergie favorisant la santé, le bonheur. Je bénis par la suite mes yeux pour qu'ils me permettent de voir clair dans la vie de tous les jours. Je bénis mes narines pour qu'elles me permettent de sentir les odeurs de l'environnement adéquatement. Je bénis ma bouche. Je bénis par la suite l'énergie qui circule en moi pour qu'elle soit propice à la vitalité. Je me représente à présent comme étant un être qui est de plus en plus investi par de la lumière vitalisante, de l'énergie que je génère consciemment en moi. Je me représente maintenant avec un état de vitalité renouvelée qui s'installe. Je me représente de la lumière qui provient du cosmos, qui va descendre à travers le chakra coronal, c'est-à-dire le centre d'énergie qui est situé au-dessus de la tête, et qui va descendre ensuite dans mon cerveau pour le stimuler, le dynamiser, le vitaliser. Et cette énergie va descendre à travers, par la suite, la colonne vertébrale. L'énergie va circuler dans ma gorge. Ensuite, les poumons. Et pendant que l'énergie circule dans mes poumons, je visualise mentalement une restauration de l'ensemble de mes organes à la fois internes et aussi externes. Et les organes qui sont en lien, bien entendu, avec l'intérieur et l'extérieur du corps physique, comme une revitalisation de l'ensemble de mon corps biologique, en pensant que le corps physique est constitué d'énergie, donc qu'il peut être ajusté par de l'énergie qu'on peut mobiliser consciemment en son sein, car derrière la forme physique, derrière les cellules, derrière les atomes, eh bien ce qu'il y a, c'est de l'énergie. Et il y a un champ de conscience qui permet de tous ces éléments-là qu'on peut observer, retrouver, voir au microscope, d'avoir un ordre, d'avoir une cohérence. Donc, en étant conscient que derrière la structure atomique associée à mon corps biologique, il y a un champ d'énergie, eh bien, j'utilise ma conscience comme espace de déploiement pour amener le corps d'énergie à générer des atomes, ensuite qui vont composer mes différents organes sur le plan physique, mon sang, les différents éléments, ma peau, et ainsi de suite, à générer sur le plan atomique et physique un corps physique qui est sain. Un corps physique qui est nourri par l'énergie du chi, d'une manière intégrale, d'une manière totale. Un corps physique qui baigne dans un état de bonheur, dans un état qui est bienheureux, dans un état qui est propice à connaître sur le plan physique la vie divine, la belle vie, la vie qui est agréable. Je visualise mentalement la reconstruction de mon corps physique en fonction d'une énergie que certains vont appeler éthérique, de manière à me favoriser, de manière à favoriser ma santé, mon système immunitaire et également ma longévité sur le plan manifeste. Ensuite, je visualise que l'énergie qui descend de la tête va descendre dans la gorge, dans les poumons. Ensuite, l'énergie qui va partir du haut du corps vers le bas va se rendre dans le cœur. Donc, je visualise l'énergie qui s'investit de plus en plus dans le cœur, sur le plan physique. En ayant conscience que d'apporter de l'attention consciemment à une zone corporelle, comme par exemple le cœur, avec ma conscience, c'est de lui donner de l'énergie. Ce sur quoi on apporte de l'attention, eh bien, on le nourrit d'énergie en fonction de notre présence, de notre conscience qui est génératrice, de notre conscience qui est constitutrice de réalité, de structure, d'ordre, de manifestations sur le plan physique. Donc, par rapport au cœur, je visualise qu'un état d'amour profond, réel, est présentement vécu en mon sein. Je visualise que c'est un état d'amour rempli de beauté, de douceur, d'un sentiment d'unité avec la vie, avec le cosmos. Je ressens l'installation en moi d'un état d'amour harmonisateur de mon vécu. Je ressens que cet état d'amour m'amène dans un état d'harmonie interne et me rend disponible à la captation intuitive d'informations qui vont favoriser l'harmonisation de ma conscience aux lois d'harmonie se rapportant à l'univers, se rapportant aussi à mon corps biologique. Et je ressens de plus en plus cet état d'amour être présent en moi. Je me représente comme étant un peu un fichier qu'on va télécharger sur un ordinateur. Donc, vous avez une vitesse de transfert de données, d'informations. Et je visualise qu'un état d'amour important est en train d'être téléversé en moi. Donc, je pars de la conscience éthérique, puis je le téléverse sur le plan de l'état physique que je peux ressentir. Et à mesure que le temps passe, bien, je sens que cet état d'amour est en train de me fortifier, de me nourrir. Par la suite, après le cœur, je visualise que j'investis de lumière et d'énergie restauratrice mes reins. Ensuite, je visualise que le foie aussi est investi de l'énergie du chi, de l'énergie à partir duquel, de laquelle la santé est générée. Je visualise maintenant l'énergie propice à la vitalité, à être présente dans mes intestins. Et au moment où je fais allusion à cette énergie, je me donne à vivre un état de présence à mes intestins. Je me représente que dans le circuit intestinal, comme dans le circuit lié à l'alimentation en passant par la bouche et se rendant à l'anus, que de la lumière circule, que de la lumière propice à la santé, à la restauration intégrale de mon organisme est présente. Je ressens maintenant dans mes organes internes un état de douceur qui s'installe de plus en plus progressivement. Et ce que je vais faire maintenant, c'est un décompte de 1 à 10. Et à mesure que je vais me rapprocher du chiffre 10, et à mesure que je vais visualiser que l'énergie augmente en moi pour atteindre son état total lorsque je vais prononcer le chiffre 10. Donc, 1, je ressens de l'énergie qui descend, qui me lie à la conscience universelle, la conscience cosmique, la conscience qui a une compréhension parfaite de mon corps biologique et de son fonctionnement. 2, je visualise que l'énergie me traverse de plus en plus. 3. Je visualise l'énergie qui gagne en densité à travers mon corps physique. 5. Je visualise que l'énergie circule de plus en plus. 6. Je visualise la présence d'un état de douceur qui est relatif à la présence de cette énergie. 7. Je visualise que l'énergie me nourrit sur le plan des cellules. 8. Je me sens de plus en plus nourri par l'énergie cosmique. 9. Je me sens de plus en plus dans un état de plénitude. Et 10. Je me sens ici et maintenant, baigné dans la plénitude relative à l'énergie vitale. Je me sens présentement installé dans un état de bien-être profond, relatif à la présence de cette dernière. Je me sens maintenant dans un état tel qu'il ne saurait être amélioré. Je vis maintenant un état de plénitude qui m'amène à faire preuve de gratitude par rapport à la générosité que je peux manifester envers moi-même en me permettant là, de vivre un tel état d'être. Par la suite, je visualise l'énergie partout dans mon corps et là, je procède à du balayage psychique. Donc, visualise l'énergie qui circule à travers mon circuit sanguin, que ce soit à travers les mains, au cœur des pieds, des genoux, des cuisses, des fesses, de l'anus, de mon sexe, de mon ventre, de mes omoplates, de mon dos. Je visualise que l'énergie est partout en moi. Je visualise maintenant que mon corps physique baigne dans un œuf de lumière. Qu'il dynamise. Après cette visualisation, eh bien, je vais bénir la puissance de cette énergie que je me suis donnée à ressentir à ces différents états d'être pour continuer à vivre mon existence avec un corps physique restauré, vivre dans un état qui est sain. Je bénis ma capacité, entre autres, d'avoir un sommeil qui est réparateur, qui est propice à la vitalité de mon corps physique. Je bénis la capacité de ma conscience de faire preuve de créativité, d'être réceptive aux idées intelligentes du cosmos. Je bénis l'intelligence en moi pour qu'elle soit grandissante. Je bénis ma capacité par la suite à vivre de l'abondance de l'infini. D'avoir accès à des opportunités pour mon développement physique, émotionnel, intellectuel et aussi pour favoriser ma prospérité économique. Je bénis particulièrement ma prospérité économique En cette période où l'inflation est galopante, au moment où est produit cet enregistrement, donc le coût de la vie augmente rapidement, l'alimentation, l'essence qui est utilisée pour se véhiculer en automobile. Et c'est dans cette période et contexte particulier que je bénis l'intelligence pour qu'elle me donne accès à une capacité d'avoir de l'argent en grande quantité et de manière adéquate pour répondre à tous mes besoins dans le quotidien. Je bénis l'intelligence cosmique pour qu'elle me donne accès à des opportunités sur différents plans qui vont m'avantager sur le plan financier, entre autres. Aussi, je bénis le lieu où je vis, donc le logement où je me situe ou alors que je prononce ces paroles, pour l'investir d'une énergie revitalisante. Je visualise mentalement que je suis en train de nourrir l'égrégore, c'est-à-dire la structure énergétique que j'ai installée associé à mon logement depuis plusieurs années, pour l'investir d'une énergie régénératrice pour moi-même et également pour toutes les personnes qui peuvent pénétrer dans mon logement. D'ailleurs, je bénis l'harmonisation des gens qui pénètrent dans mon lieu de vie à mes vibrations. Je visualise que dans chacune des pièces de mon logement, j'y installe la vibration qui est propice à un état d'être qui est sain d'une manière permanente et continuelle. Je visualise que mon logement est un lieu chargé d'énergie, ce que certains vont appeler un lieu de pouvoir, et que le simple fait de penser au lieu où je vis, alors que, par exemple, je me déplace en prenant une marche à l'extérieur ou je me situe à un autre endroit, m'amène dans un état de bonheur. Donc, je crée un ancrage mental entre le lieu où je vis, avec une association relative à un état de bonheur, à un état de vitalité, à un état d'énergie restauratrice que j'associe mentalement au lieu, en l'investissant naturellement de ma présence, parce qu'on peut procéder à un balayage psychique de son corps physique, donc balayer certaines zones pour les investir de présence, comme les poumons, le rein, le foie, entre autres. Mais on peut investir aussi un lieu de sa présence en procédant au balayage des différentes pièces, le salon, la salle à manger, la chambre. Plus particulièrement, je bénis la chambre pour qu'elle soit un lieu propice à un sommeil qui est profond et restaurateur. Ensuite, je vais bénir la salle à manger où je vais préparer, où je vais manger en fait, pour que à chaque fois que j'absorbe des aliments sur le plan physique, je sois simultanément nourri sur le plan psychique d'un état de bonheur. Donc ici, je procède à une codification énergétique où je vais associer l'alimentation physique à une alimentation psychique simultanée de bonheur et de vitalité. Donc, je visualise mentalement par la suite que dans la cuisine où je prépare les aliments que je me suis procuré à l'épicerie, qu'à chaque fois que je prépare les aliments, eh bien, je les investis de belles vibrations, de vibrations qui sont porteuses d'un état de joie, un état de bonheur, une vitalité. Et par la suite, je vais visualiser que dans mon salon, règne une énergie qui va être propice à un état intellectuel agréable. Et bien entendu, je visualise que l'énergie qui est présente dans mon logement est propice à un état de stabilité émotionnelle, un état de bien-être, un état qui me permet d'être bien heureux, un état qui est en support à mon état d'être. Par la suite, je visualise que l'animal de compagnie avec lequel je vis depuis plusieurs années est investi d'une vitalité renouvelée. Donc, c'est un petit chat qui a environ 15 ans sur le plan physique. Je visualise qu'il va vivre longtemps. Je visualise aussi qu'à chaque fois qu'il vient me voir, parce qu'il est très affectif et qu'il va s'asseoir sur moi et se mettre à ronronner, qu'à chaque fois qu'il me visite, qu'elle véhicule des vibrations qui sont propices à la restauration de mon corps physique, à mon bien-être, à un état de santé intégral chez moi. Ensuite, alors que je vis présentement un état d'un jeûne court que je fais depuis un certain nombre d'heures, eh bien, je visualise que je m'alimente de lumière et que cet état de jeûne, de pause alimentaire, est propice de donner une pause, justement, à mon organisme sur le plan physique, à mes intestins, à mes reins, plus particulièrement pour se restaurer, pour se renouveler. Je visualise que cet état de jeûne aussi est propice à favoriser mon système immunitaire, à le stimuler, à le vivifier. Ensuite, je vais bénir, investir de conscience, utiliser ma volonté pour me connecter à l'énergie divine, à l'énergie cosmique. Je visualise maintenant que je suis lié au cosmos qui me donne accès aux idées intelligentes pour favoriser ma restauration sur le plan personnel. Je visualise que je suis en état d'harmonie avec mon être et que les différentes composantes se rapportant à ma personne, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel, l'intellect, le corps éthérique, tous ces éléments soient unifiés. Je visualise que maintenant je vis dans un état d'unité, un état de plénitude, un état propice à me maintenir dans du bonheur. Je visualise que maintenant, je suis de plus en plus rechargé sur le plan énergétique. Je visualise que l'énergie cosmique est intelligente et elle va précisément où ce que j'en ai besoin là, sur le plan de mon corps physique. Présentement, étant donné que je pratique un jeûne court, je vais mettre l'emphase sur la visualisation du travail de l'énergie à travers le circuit qui est utilisé pour m'alimenter sur le plan physique d'aliments, donc la gorge, les reins, les intestins. Je visualise qu'un état de bien-être est présent dans tout ce circuit, en particulier présentement. Et à présent, bien, je vais bénir ma capacité de bénir pour qu'elle soit toujours grandissante, étant donné qu'au fil du temps, j'ai fait plusieurs enregistrements sur ma chaîne YouTube relatifs à des bénédictions et je continue, donc j'entretiens le mouvement. Et c'est un mouvement qui fait en sorte que j'utilise ma volonté pour commander à mon corps physique, commander aussi à l'univers. Je peux l'utiliser d'ailleurs pour ça présentement, de commander les événements dans ma vie qui sont propices à ma santé, à ma cohérence. Et l'idée derrière ça, ben, c'est que si on agit consciemment dans sa vie, ben, ça nous permet de nous favoriser, parce que si on attend après les autres, on risque d'attendre longtemps. Donc, pourquoi pas se donner à vivre ici et maintenant le bonheur, parce qu'on le décide. Donc, je ressens le bonheur un peu comme une boule de lumière qui grandit en moi, qui est présent dans mon corps, qui englobe l'ensemble de mon corps, qui englobe le lieu où je vis, qui englobe la Terre et qui va englober le système solaire et englober le monde à force que cette bulle prend de l'expansion. Je réalise que mon état de bonheur se diffuse vers le cosmos. Je visualise que cet état de bonheur me permet de connaître et de vivre un état de générosité psychique par rapport à des gens de mon environnement. Et à présent, je vais compléter cet enregistrement en remerciant toutes les personnes qui ont été témoins de ce dernier. Et toutes les personnes aussi qui nourrissent un mouvement interne vers un état de mieux-être, donc des gens qui sont solidaires dans la volonté de s'installer et surtout de se maintenir dans un état qui est sain, propice à la santé, la cohérence. Dans ma vie, j'ai décidé un peu de vivre comme un saint, si on peut dire, dans le sens qu'autrefois, les saints passaient leur temps à prier. Et moi, je passe mon temps à bénir. Je bénis régulièrement. C'est la façon que j'utilise ma conscience dans l'optique de générer de la beauté. De la beauté qui peut être ressentie sur le plan énergétique. De la beauté qui peut être perçue. Et de la beauté qui peut être entendue aussi dans le cadre d'un enregistrement audio que les gens peuvent écouter par la suite. Donc, merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.